faire. Alors, je vais commencer en attendant. Alors, j'ai intitulé cette communication « La prison, un carrefour institutionnel, les circulations entre la prison, l'armée, l'hôpital, l'asile ». Et comme je trouvais que c'était vraiment pas suffisant, j'ai même décidé de vous parler un petit peu de la société de patronage, les sociétés de patronage qui sont censées accueillir des libérés au moment de la sortie de prison. Alors c'est un questionnement qui prend place dans le cadre de ma thèse et qui est bien sûr immense, donc je fais déjà acte d'humilité et de modestie, et en fait je vais plutôt utiliser cette séance pour discuter avec vous à la fois de quel questionnement on peut mener sur cette question de la circulation interinstitutionnelle. Et j'aimerais bien peut-être qu'on aborde aussi les questions de méthodologie, parce que j'ai eu plein de questions et j'ai quand même un certain nombre de d'éprouvements déjà enclenchés, etc. Et en fait, je ne peux pas répondre à toutes ces questions et c'est une vraie interrogation que j'ai, et je pense que ça suppose un travail collectif beaucoup. Qu'on aimerait bien faire, je pense, dans le cadre du Burit un jour ou l'autre. Alors, plusieurs remarques sur mon titre. Je vais le lancer. Mon titre parle de carrefour. Alors, je suis partie, en fait, de la notion de carrefour plutôt comme une hypothèse pour entrer dans le thème de la circulation. Hypothèse que j'ai faite parce que le carrefour me semblait intéressante avec cette idée de redistribution de population. C'est aussi un lieu. Donc ça marchait bien avec la prison, et ce serait une redistribution qui obéirait à une logique propre, à des règles, typiquement le carrefour automobile, hein, la priorité à droite par exemple, mais aussi des pratiques spécifiques. Tous les conducteurs ne prennent pas un carrefour de la même manière. Alors ça m'a semblé intéressant et important dans l'histoire de la prison pour ne pas figer justement l'histoire des prisonniers au seul espace et au seul moment de la détention. Autrement dit, pour tenter de prendre en considération des embranchements qui peuvent se situer en amont, pendant ou en aval de la prison. Alors c'est une hypothèse aussi que j'ai faite empiriquement, puisque je suis tombée sur des cartons qui s'appelaient tout simplement « détenus militaires »,« affaires militaires » ou « hospitalisation » ou « détenus aliénés ». C'est-à-dire qu'il y avait des traces dans la mémoire de l'institution pénitentiaire qui verse ses archives dans les départements, il y avait des traces de passage dans d'autres institutions. Donc la question était très simple, comment circule-t-on dans cette prison de la Troisième République qui m'intéresse, entre ces institutions que j'ai citées? Est-ce que la prison redistribue-t-elle? Est-ce qu'elle est vraiment un carrefour comme l'idée initiale de cette communication? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Selon quelles règles redistribue-t-elle? À travers quels dispositifs? Et on va voir que je vais beaucoup insister aussi sur les dispositifs et comment ils sont appropriés. Avec aussi le revers de la question, qui en fait est devenu de plus en plus important au fur et à mesure que je travaillais sur cette communication, quels dispositifs existent pour empêcher ces circulations, alors même que parfois elles devraient avoir lieu. Alors, circuler, le terme de circulation est aussi important dans ce titre, parce qu'il me semble que le rapport entre circulation et prison constitue une dimension oubliée de l'histoire de la prison. Ce n'est pas forcément le cas de l'histoire de la peine en général, si je pense par exemple à l'histoire de la chaîne des forçats, où la mobilité pénale, là pour le coup, était un objet d'histoire, c'est le travail de Sylvain Rapaport. Mais pour la prison qui s'institue tout au long du XIXe siècle, à ma connaissance, peut-être que vous pourrez m'en dire plus, il n'y a pas d'études qui parlent véritablement du moment de circulation, des passages, des transferments. Je dis transferment parce que c'est ça le paradoxe dans cette historiographie, c'est que la mobilité dans la prison constitue un pan entier de l'administration, c'est ce qu'on appelle le service des transferments, c'est-à-dire qu'il y a un service d'agent pénitentiaire dédié entièrement au passage des prisonniers d'une prison à l'autre, et c'est ce terme administratif qui désigne cette réalité, et c'est bien sûr une dimension importante en fait de l'expérience carcérale des prisonniers, parce que, alors ça dépend du type de peine, etc., mais en tout cas pour les longues peines, ils sont au moins passés par au moins deux prisons dans leur trajectoire. Le terme transfèrement englobe aussi les envois vers l'hôpital et l'asile, c'est ce qui m'est apparu quand j'ai regardé par exemple les catégories de la statistique pénitentiaire, et dans les transfèrements, on a également les envois, les extractions, on appelle ça aussi des extractions, vers l'extérieur. Et c'est bien sûr ce second type de transfèrement qui va m'intéresser aujourd'hui. En fait, on pourrait faire une étude des transfèrements internes, c'est pas ce que je vais faire, et je pense que ce serait très intéressant, mais on aurait ici plutôt affaire à l'archipel pénitentiaire, pénale et pas à ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire à ce qui peut révéler les interfaces avec ce que la prison n'est pas. Alors, vous pourriez me demander, avec cette accumulation d'institutions, quelle unité il y a à saisir des mobilités, des circulations qui paraissent à bien des égards très différentes. Un transfèrement vers l'hôpital, un placement à l'asile, une incorporation à l'armée, l'accueil d'un détenu libéré par une société de patronage. Quel bénéfice il y a à penser des circulations qui sont parfois temporaires et parfois définitives, donc le transfèrement ou la sortie, et qui n'interviennent pas au même moment dans la trajectoire carcérale et qui mettent aux prises, bien sûr, des institutions aux finalités très différentes. Est-ce que ce rapprochement relève-t-il d'une gageure historiographique, voire méthodologique? Alors, c'est une dimension expérimentale qui m'a plu dans la communication, de me forcer aussi à saisir ensemble des choses qu'on, par souci pratique et analytique, on a eu tendance à séparer. Et c'est un geste méthodologique et problématique que j'aimerais bien sûr discuter avec vous. Alors, je ne pars pas de rien pour le faire, et c'est aussi parce qu'il existe un certain nombre de travaux qui ont défriché justement ces grandes séparations dans les domaines de prise en charge que je peux tenter aujourd'hui cet exercice. Alors, par exemple, pour citer quelques travaux, les travaux de Marc Renneville et de Laurence Guignard sur la délimitation de folie et crime donnent des jalons importants de cette histoire. Concernant l'armée, le biribi de Dominique Talifa est aussi très important pour comprendre la logique de l'enfermement militaire. Mais il me semble qu'il y a très peu de choses sur le dispositif pratique de passage d'institution à une autre. Alors, il y a bien sûr le travail de Véronique Fauvin-Santi qui a la particularité de prendre pour objet une institution à la croisée du médical et du judiciaire. En fait, je me suis plutôt tournée vers les sociologues et la réflexion de certains sociologues actuellement, donc sociologues des institutions un peu disciplinaires, même si tous ne se revendiquent pas de ce terme. En tout cas, un certain nombre de sociologues, et je pense aux travaux du groupe Traitement et Contraintes, dont on avait déjà un petit peu parlé, je crois, ont tenté d'explorer les frontières, par exemple, entre soins et prison, c'est la thèse de Camille Lancelevé, qui a été soutenue l'année dernière, ou même, et ça c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup inspirée et en même temps frustrée, des travaux qui ont tenté de suivre des trajectoires trans-institutionnelles. Alors, je vous citerai par exemple le travail de Fabrice Fernandez, qui s'appelle « Emprise », et qui est une analyse des toxicomanes aujourd'hui. Et il a suivi cette population de l'hôpital à la prison, en passant par les associations, les squats, bref, un ensemble de lieux et d'institutions qui ont pris en charge ou qui échouent à prendre en charge cette population. Il y a aussi le travail de Colline Cardy sur les trajectoires de femmes qui est inspirant à cet égard. Et dans un article de 2014, que j'ai trouvé vraiment très inspirant pour le GRID, qui s'appelle « Pour une sociologie morale des trajectoires de contrôle, une lecture de la société punitive », Corentin Durand. Alors, c'est un article très intéressant où il fait une lecture de la société punitive, qui est donc le cours au Collège de France de Foucault, qui précède en fait « Surveiller et punir », et dans lequel il y a plein d'intuitions et de pistes qu'on ne retrouve pas en tant que telles dans « Surveiller et punir », donc je pense qu'on a intérêt aussi à se tourner vers cet ouvrage. Dans son article, Corentin Durand invite en fait à procéder à l'étude de trajectoires de contrôle, c'est l'expression, trajectoires de contrôle, qui permettrait de saisir un ensemble institutionnel très vaste. Alors, je ne vais pas répondre à son invitation, vous allez voir pourquoi. Il s'agirait en fait d'entreprendre une micro-histoire de trajectoires institutionnelles en multipliant les corpus d'archives, alors que moi, je vais revendiquer et assumer mon point d'observation, la prison. Mais j'aurais en tout cas la même envie que lui, à savoir décarcéraliser l'étude de la prison. Alors, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais essayer d'analyser les dispositifs qui permettent de passer de la prison à l'asile, de la prison à l'hôpital, à l'armée ou à la société de patronage, d'en donner la mesure et d'en analyser les ressorts. Ça me semble possible et intéressant, dans une certaine mesure, pour interroger deux choses. D'abord, quelle est l'emprise institutionnelle sur les prisonniers que je peux observer dans mes archives? Est-ce que c'est une emprise qui va au-delà des murs de la prison? Est-ce que les circulations vers ces autres institutions révèlent des concurrences de prise en charge? Et est-ce qu'on pourrait parler d'un continuum institutionnel? En fait, je serais très prudente avec cette idée, qui est une idée de sociologie actuelle. Et là, je pense qu'on risquerait peut-être l'anachronisme. En tout cas, ce n'est pas un continuum assumé. Et il y a énormément de blocages entre les institutions quand on regarde la prison. Et ça me semble une notion intéressante, mais pas totalement pertinente. L'autre notion, moi, qui me semble intéressante à questionner, c'est celle d'archipel institutionnel. Est-ce qu'un archipel institutionnel s'est constitué avec toutes ces institutions, et quelle place la prison aurait-elle dans cet archipel? Est-ce qu'il y a des relations de solidarité, de subordination ou de concurrence entre ces institutions? Alors, je ne vais pas aplanir ou amalgamer les différentes circulations, mais je vais essayer de les saisir ensemble pour voir comment la prison s'insère très imparfaitement, peut-être, dans un archipel institutionnel plus large. Alors, je pars de mon point de vue, la prison, et je vais exploiter ici à la fois un corpus réglementaire très touffu pour le coup, mais aussi énormément de données de la statistique pénitentiaire, alors c'est une source que j'apprécie par ailleurs, mais qui pour le coup est assez riche sur la question de la circulation, et je vais essayer aussi d'exploiter autant que possible deux corpus de dossiers de prisonniers, et vous allez voir les limites que j'ai avec ces sources qui sont par ailleurs extrêmement bavardes, mais pas forcément sur toutes les questions que j'aurais. Et je vais procéder en trois temps. Ça a été très compliqué d'organiser cette communication avec tant d'institutions, et il m'a semblé peut-être plus facile et peut-être plus pertinent de procéder selon le temps de la détention. C'est-à-dire que je vais à chaque fois interroger la question de est-ce qu'il y a circulation institutionnelle, et est-ce que c'est possible à l'entrée, pendant la détention et à la sortie. Alors, je vais commencer avec l'entrée en prison. Est-ce qu'on peut parler d'une première circulation interinstitutionnelle? Alors, ça pourrait être une question très simple, et en fait, il y a deux difficultés majeures que j'ai rencontrées pour répondre à cette question. Premièrement, il ne faut pas confondre l'entrée dans un établissement pénitentiaire et l'entrée dans l'institution pénitentiaire. Et en fait, c'est ce que je vous disais avec mes corpus, moi je me situe dans des maisons centrales, et j'ai des dossiers de prisonniers, et ils arrivent dans un établissement. Et ce sont des prisonniers qui ont par ailleurs une trajectoire carcérale antérieure, qui viennent d'ailleurs en fait. Donc avec ce corpus, ce que je vois, c'est d'abord que leur entrée dans l'institution ne se fait pas à partir de l'établissement que j'observe. Ça marche pas ? Hop. Alors ça c'est un petit tableau, donc ça c'est le corpus de Fontevraud que j'étudie, donc c'est 504 dossiers. Seuls 9 arrivent à Fontevraud dans la semaine où ils ont commencé leur peine. C'est-à-dire qu'ils ont forcément connu au moins un endroit avant, et quand on regarde, plus de la moitié en fait arrive après 6 mois de peine commencée. Donc l'entrée dans l'institution se fait en fait par d'autres établissements. Les chambres de dépôt qui suivent l'arrestation par la gendarmerie, le passage par la prison départementale, quand on est prévenu et quand on est condamné pour courte peine, et si on est condamné pour longue peine, c'est le cas des gens qui sont à Fontevraud, c'est une maison centrale, on est redirigé vers l'établissement de destination pénale, comme dit l'administration. Donc en fait, si je veux savoir par où ils entrent dans l'institution pénitentiaire, il faut remonter cette chaîne qui est en fait une chaîne police-justice-prison. Et ce n'est pas exactement ce que je voulais observer. Et donc, c'est en plus très compliqué et je n'ai pas forcément beaucoup de moyens pour le faire. Mais ça, c'est une première limite. À cela s'ajoute une difficulté d'ordre méthodologique, enfin même archivistique. On pourrait penser que le dossier pénitentiaire constitue aussi la mémoire d'une trajectoire. C'est en tout cas comme ça que j'ai appréhendé ces sources. Mais ces dossiers, quoique très bavards sur le profil judiciaire des détenus, sont quasiment muets sur la trajectoire institutionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué, très concrètement, dans le relevé des condamnations antérieures, il n'y a pas marqué dans quel établissement, par exemple, le détenu est passé. Alors c'est un paradoxe tout à fait notable, parce que ça dit beaucoup de choses sur la manière dont la prison considère ses prisonniers. C'est-à-dire comme des condamnés. Et le passé judiciaire est, pour le coup, systématiquement noté, mais pas comme forcément des condamnés qui sont passés dans d'autres lieux avant d'arriver à Fontevraud, par exemple. Donc, en fait, il y a soit une immobilité de l'information, soit plutôt une sélectivité très forte de l'information qui se fait au profit de l'information judiciaire et non pas de l'information pénitentiaire, les autres établissements fréquentés, et plus largement de l'information institutionnelle, c'est-à-dire d'autres types d'institutions qu'ils auraient fréquentées. Alors il y a une exception à ça, il y a une catégorie de détenus dont je sais qu'ils viennent explicitement et directement d'une autre institution, c'est l'armée. Et là, on arrive dans l'histoire, on commence à arriver dans l'histoire des relations entre prison et armée. Il y a en effet des militaires condamnés qui sont incarcérés dans des prisons civiles. Alors c'est une minorité et c'est un reliquat, puisque le mouvement au XIXe siècle est justement un mouvement de d'étanchéité entre la sphère civile et militaire, c'est-à-dire que les militaires vont développer tout un archipel pénitentiaire militaire, donc de l'enfermement militaire, et pour essayer justement de ne plus s'appuyer sur des établissements civils comme les prisons longue peine ou les prisons courte peine. Mais ce mouvement de séparation n'est pas total et il reste au moins une catégorie de condamnés militaires qui doivent subir leur peine dans la prison civile. Ce sont les soldats qui sont condamnés à des peines afflictives ou infamantes, mais qui sont remises aux autorités civiles. Alors, c'est vraiment une minorité, comme je vous disais. Là, ce sont les... Donc, j'ai pris la statistique pénitentiaire et j'ai l'information, jusqu'en 1909, des juridictions, d'où ils viennent, par quelle juridiction, en fait, ils ont été condamnés. Et on voit que la juridiction militaire constitue donc une toute petite minorité, entre 2 et 7% pour cette période. Mais en fait, il y a toujours un tout petit peu de militaires qui continuent à militaires condamnés, qui continuent à passer par la prison civile. Alors, cette question va prendre une ampleur très très différente pendant la guerre, vous en doutez, puisque ce contexte de guerre va créer une intensification des circulations interinstitutionnelles entre l'armée et la prison. Je vous montrerai aussi que ça sera entre la prison et l'armée au bout de la chaîne. Mais en tout cas, pendant la guerre, un grand nombre de militaires condamnés ou en attente de jugement vont passer par les prisons civiles. Alors, ce passage, on peut le voir dans les prisons départementales. Ça, c'est une courbe qui montre ce qu'on appelle les passagers. Les passagers, ce sont des prisonniers qui restent moins de 3 jours dans l'établissement parce qu'ils sont en fait... en train d'être acheminés vers leur destination pénale. Et vous voyez en rouge le nombre de passagers militaires. Le nombre de passagers civils s'écroule du fait aussi de l'arrêt partiel du fonctionnement de la justice pénale. Et le nombre de passagers militaires augmente de la forte activité, bien sûr, de la justice militaire. Et ces militaires condamnés ou en attente de jugement passent par les prisons civiles. Donc là, pour le coup, on peut observer très concrètement l'intensification d'une circulation à l'entrée de la prison. C'est également vrai pour toujours cette maison centrale que j'étudie, la maison centrale de Fontevraud, puisque dans c'est un corpus qui s'étale au-delà de la guerre, mais j'ai ici divisé mon corpus en 4 périodes, et vous voyez que la guerre correspond à l'arrivée à Fontevraud d'un tiers, finalement, qui représente un tiers des entrants dans la maison centrale. Et ça va en fait continuer un petit peu dans l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, puisque entre 1918 et 1922, c'est 1/5 des arrivées à Fontevraud qui sont en fait des arrivées militaires. Ce sont des condamnés militaires qui purgent leur peine à Fontevraud. Donc voilà pour ce moment d'entrée. Donc si je récapitule, l'avant-institutionnel est très difficilement cernable, donc je peux dire très peu de choses finalement de l'origine institutionnelle des détenus, sauf pour le cas de l'armée, puisque la prison constitue à la fois un lieu d'appoint, un lieu de passage et un lieu mobilisé par l'autorité militaire dans ce moment très particulier de la guerre. Et je pense que c'est un moment paroxystique des relations entre armée et prison, mais ça dit quelque chose de la subordination de la prison civile aux besoins de l'armée, en tout cas. Alors, la question va se poser différemment pour le temps de la détention. A priori et idéalement, aucune circulation ne devrait être possible, ça c'est en théorie, ne devrait être possible le temps de la détention, c'est-à-dire à partir du moment où le prisonnier est un prisonnier condamné et non pas en attente de procès. Circuler hors des murs de la prison entre en contradiction avec la mission de l'administration pénitentiaire qui est celle de l'exécution de la peine. Et c'est vraiment une question de légalité importante. Je pense qu'on ne pourrait pas comprendre cette question de la circulation sans rappeler l'importance de la loi, pour le coup, l'importance de la légalité dans cette histoire. Tout détenu condamné doit subir sa peine dans la destination pénale qui a été ordonnée par la justice. Et ce rapport entre la justice et la prison est très, très intériorisé par l'administration pénitentiaire qui le dit, par exemple, à travers les mots de son directeur en 1883. « C'est chose grave que de faire sortir un homme incarcéré au nom de la loi, du lieu qui lui a été assigné pour sa détention. » Donc, incarcéré au nom de la loi. Et ça, c'est une discussion qu'il a à propos des hospitalisations de détenus. Donc, il va y avoir, en fait, un rappel constant à la légalité de cette mission de l'administration pénitentiaire de ne pas faire sortir des détenus. Alors, bien sûr, ce souci de légalité vient buter contre la réalité de l'enfermement et, avant tout, contre la réalité de l'épreuve que constitue la maladie physique et mentale des prisonniers. Épreuve pour les individus incarcérés, mais aussi épreuve pour une administration qui doit les gérer. Alors, ce sera l'objet de ma deuxième partie. Que faire de ces détenus malades, des détenus devenus fous pendant le temps de la détention, puisque c'est ainsi que la circulation interinstitutionnelle, c'est ainsi que cette question se pose pendant le temps de la détention. Alors, je vais analyser deux dispositifs, l'hôpital et l'asile, pour vous montrer, et les pratiques de circulation à partir de ces dispositifs, pour vous montrer deux choses. D'abord, qu'il y a une construction d'étanchéité avec l'hôpital, tout en prévoyant d'y recourir toujours en dernier recours. Donc, c'est jamais exclu, mais on construit l'étanchéité. Et concernant l'asile, j'essaierai de montrer qu'il y a un aménagement possible vers le monde asilaire, sans pourtant forcément y recourir. Alors, concernant l'hôpital, la question fait l'objet de règlements très tôt, dès la création de la prison pour peine. Disons que le régime de justification des circulaires va être toujours le même. Il va falloir limiter les transferments à l'hôpital et surtout limiter les abus de transferment. Alors, il y a une trentaine de circulaires sur cette question entre le début du 19e siècle et l'entre-deux-guerres. Et pourquoi l'hôpital doit être tenu à distance des détenus, même s'ils sont malades? Parce que l'hôpital constituerait un insupportable adoucissement de la peine et entre en ligne de compte la simulation des détenus qui chercheraient à sortir de la prison pour purger leur peine dans un endroit beaucoup plus agréable comme l'est l'hôpital du 19e siècle, par exemple. Alors, c'est un lieu aussi insécurisé qui serait la voie royale de l'évasion. Donc, c'est ce contexte d'angoisse pour l'administration pénitentiaire qui va expliquer le rappel, le martèlement des ordres concernant ces transferments qu'il s'agit de toujours limiter. L'hôpital doit être l'exception et jamais la règle, bien sûr, et pour rendre l'hôpital exceptionnel, il va falloir faire de l'infirmerie de la prison le lieu normal du soin. Et en fait, donc, cette question de la circulation interinstitutionnelle amène aussi à prendre en compte l'histoire du développement des infirmeries de prison, développement qui est censé en fait empêcher la circulation. Alors, c'est une histoire qui est pas totalement connue, j'ai l'impression, mais Caroline Sopelsa a posé un certain nombre de jalons importants pour l'histoire de l'architecture des infirmeries. Au 19e siècle, c'est l'objet de sa thèse. Alors, elle se limite aux prisons de la Seine, mais elle montre qu'il y a tout un mouvement d'aménagement des infirmeries qui commence très tôt, qui est rappelé dans les années 1840, puis dans les années 1860. Et ce qui me semble intéressant, c'est que ce mouvement de développement des infirmeries traduit idéalement l'internalisation de la fonction hospitalière au sein de la prison. Ça va se prolonger dans l'entre-deux-guerres avec l'installation de services anti-vénériens dans les prisons, notamment dans les prisons de femmes comme à Saint-Lazare. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette internalisation est toujours incomplète, car la prison a toujours besoin en dernier recours de l'hôpital. Et dans deux cas, pour les affections contagieuses, parce que c'est bien sûr une question très importante de la prison, c'est la question de l'hygiène et de la contagion, pour des maladies contagieuses qu'on ne saurait contenir avec le seul isolement en cellule, les détenus sont transférés, le règlement prévoit qu'ils soient transférés à l'hôpital. Et le deuxième cas, c'est tous les actes médicaux que l'infirmerie ne pourrait pas enfin, que le médecin de l'infirmerie ne pourrait pas effectuer en prison, et notamment un certain nombre d'actes de chirurgie. Même si il y a un mouvement de développement de la chirurgie en prison, c'est pas encore du tout... enfin, il y a plein de limites, et notamment la chirurgie féminine, enfin, de toutes les maladies, par exemple, utérines. Je suis tombée sur un certain nombre de ces maladies qui sont traitées à l'hôpital et non en prison. Alors, qui décide de ces transferts? Dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des agencements très locaux. C'est le médecin, le directeur de la prison qui transmet le certificat du médecin au préfet, et le préfet ordonne le transfert ou... oui, le transfert. Je parlerai du placement après. Et c'est intéressant parce que dans les procédures qui touchent généralement les prisonniers, on passe généralement par l'administration centrale. Il y a très souvent une remontée vers l'administration pénitentiaire centrale, et pour le coup, le transfert échappe à toute autorisation du fait du caractère normalement urgent de ce transfert. Ça ne veut pas dire que l'administration centrale ne contrôle pas. Au contraire, il va y avoir un contrôle qui va se faire notamment par la finance. C'est-à-dire qu'il va falloir remplir des états nominatifs et des états financiers des détenus qui ont été transférés à l'hôpital. Et c'est comme ça que l'administration centrale, en fait, peut repérer des abus, ou en tout cas demander des comptes aux établissements en particulier, et contrôler également ce que ça coûte à l'administration pénitentiaire d'envoyer des prisonniers à l'hôpital, puisque en effet, c'est à la charge de l'administration pénitentiaire. En fait, au 19e, comme c'est un autre système économique des prisons, c'est à la charge de l'entrepreneur général qui a la mission de... Enfin, c'est lui qui assure toute la partie économique des prisons, l'entretien des détenus, donc il va aussi prendre en charge les transferts à l'hôpital. Et quand les prisons passent au système de régie, où ce sont les agents pénitentiaires qui s'occupent de tout ce qui relève de l'entretien des détenus, ça va être l'administration pénitentiaire qui paiera. Donc il y a un contrôle fort à travers la question de la finance. L'autre contrôle fort se fait à travers la question des évasions, puisque les chambres de sûreté, peut-être que Claire, tu pourras m'aider sur ce point, les chambres de sûreté ne sont pas toutes installées à l'hôpital, alors même que c'est le vœu de l'administration pénitentiaire que chaque hôpital dans lequel on transfère un détenu ait une chambre de sûreté. Et enfin, il va y avoir un autre problème, c'est celui de la surveillance et de la garde de ces détenus malades. L'administration pénitentiaire ne peut pas, ne doit pas les surveiller, et le préfet doit en fait envoyer des forces de police ou de gendarmerie pour assurer cette surveillance. Donc voilà pour le dispositif hospitalier. Concernant le dispositif asilaire, alors c'est aussi une question importante et qui a été en partie et même très largement étudiée à travers notamment la question des débats et des questionnements sur que faire des aliénés condamnés et ou des condamnés aliénés, parce que la question se pose dans les deux sens. En effet, donc, l'obsession, bien sûr, des débats au 19e, c'est de définir cette frontière entre folie et crime, frontière qui ne sera jamais totalement délimitée, et il y aura toujours cette zone grise. Les aliénistes ont d'ailleurs pointé la présence de fous en prison, et se sont intéressés à la question de la folie pénitentiaire. Mais très concrètement, qu'est-ce qu'il se passe quand un condamné devient fou? Je m'intéresse pas ici à la question des aliénés condamnés, c'est-à-dire avant... qui ont été, dont on constate l'aliénation avant la condamnation et qui, dans ce cas-là, sont déclarés irresponsables et n'ont pas normalement, ne doivent pas passer par la prison. Mais qu'est-ce qui se passe pour un condamné qui devient fou en prison? C'est comme ça que se pose la question pour ma deuxième partie, en tout cas. Que faire des détenus devenus fous? En fait, le dispositif qui existe, c'est celui de la loi 1838, qui doit s'appliquer aux condamnés incarcérés, présentant des troubles mentaux. Alors, Véronique Fauvincenti a montré dans un article dans l'ouvrage qui s'appelle « Expérience de la folie » qu'il y avait eu des questionnements, des tâtonnements et quelques mises en œuvre pour tenter d'apporter une réponse, alors même que ce dispositif de la loi de 1838 en est déjà une. L'expérience qui a eu lieu, c'est celle de Gaillon, puisqu'il y a un... Gaillon, c'est une maison centrale, et à partir de 1876, un quartier d'aliénés a été créé dans la prison, qui doit absorber, accueillir tous les condamnés devenus fous des autres maisons centrales de France. Donc cette idée qu'on va centraliser les condamnés fous dans un lieu qui est, pour le coup, un lieu de prison. Mais alors ça a marché pendant 30 ans, même si en fait ça n'a pas absorbé tous les condamnés aliénés, puisque pour des raisons de classe et pour des raisons aussi de distance, Gaillon se situant dans le département de l'Eure, je crois, ou Eure-et-Loire, j'ai dit. Dans l'Eure, voilà, dans l'Eure, l'administration pénitentiaire conseille aux autres établissements d'envoyer ceux qui sont proches de Gaillon et pas forcément ceux qui sont les plus éloignés. Donc en fait, Gaillon fonctionne pendant 30 ans, mais il y a encore des placements à l'asile possibles pendant cette période. Et quand Gaillon ferme en 1906, on retourne au dispositif de la loi de 1838 qui doit s'appliquer également pour les prisonniers incarcérés dans les maisons centrales ou dans les prisons départementales. Alors qu'est-ce que ça veut dire que cette loi s'applique pour les condamnés incarcérés ? C'est que l'aliénation est censée faire tomber les murs de la prison. C'est un cas intéressant d'une loi non pénitentiaire qui s'applique à la population de la prison, dans le cas très particulier de la folie, et la logique asilaire doit primer, dans ce cas précis, sur la logique de la sentence judiciaire. Ce souci d'égalité qui était très fort pour l'hôpital, il doit normalement disparaître dès qu'il s'agit de la question de la folie. Et c'est une logique asilaire qui est d'ailleurs poussée un peu plus loin, puisqu'en 1906, une circulaire demande aux établissements que le certificat d'aliénation mentale ne soit plus fourni par le médecin de la prison, mais qu'il y ait un médecin spécialisé qui vienne en prison pour constater la folie. Donc généralement, c'est le médecin de l'asile le plus proche de la prison qui est appelé. C'est le préfet qui doit faire venir ce médecin spécialisé. Donc je vous ai un petit peu décrit les dispositifs. Moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez dit, hein, c'est pas l'herbier des circulaires. Et c'est, en pratique, qu'est-ce que ces deux dispositifs donnent ? Alors, ça donne déjà un résultat, je pense, important, c'est le tarissement très marqué des circulations vers l'hôpital. Si je reprends mon point d'observation, qui est par exemple Fontevraud pour les hommes, j'ai 504 dossiers. Alors c'est un échantillon aléatoire qui, alors vu la constitution est représentatif de la population de Fontevraud à l'époque, je n'ai aucun cas de transfertement à l'hôpital, alors même que ces détenus, certains sont gravement malades et 26 décèdent en prison. Fontevraud, donc, c'est le cas d'une maison centrale où l'infirmerie sert de lieu de régulation de la maladie des détenus. Et on retrouve ce quasi-assèchement des circulations vers l'hôpital dans les maisons centrales d'hommes à l'échelle nationale, puisque je me suis reportée cette fois-ci à la statistique pénitentiaire, il y a à peu près 12 hospitalisations de détenus par an, sur une population qui varie dans la période, mais qui varie entre, disons, 10 et 25 000 personnes. 12 par an. Les transferts vers l'asile se comptent aussi sur les doigts d'une main. Alors, une vingtaine par an dans les années 1880 et 1890. Alors, il y a bien sûr Gaillon qui absorbe une grande partie de ces transferts. Et pourquoi expliquer donc cet tarissement ? Il y a bien sûr ce dispositif qui doit rester exceptionnel dans le cadre de l'hôpital. Mais il y a aussi des arguments financiers très forts, puisque... par exemple, une journée à l'asile coûte 5 fois plus cher qu'une journée en prison. Et tout cela reste à la charge de l'administration pénitentiaire. Alors, j'ai le cas... ces circulations sont donc exceptionnelles. Elles ne sont jamais inexistantes. Puisque c'est ces deux institutions, il me semble, l'asile et l'hôpital servent à accueillir ce que la prison ne peut plus accueillir à un certain... degré de turbulence, de désordre, et c'est le cas notamment d'une détenue, alors ça pour l'autre corpus que je suis en train d'étudier mais pour lequel j'ai moins avancé, c'est le corpus de Rennes, une maison centrale de femmes, et j'ai le cas de cette détenue, Eugénie, qui est arrivée en 1917 à la prison pour l'assassinat de son enfant et qui doit subir une peine de 10 ans de travaux forcés. 5 ans plus tard, donc ça fait 5 ans qu'elle est à Rennes, elle est extraite de la prison pour l'asile de Saint-Méen, à côté de Rennes. Et pourquoi on l'extrait ? Elle a déjà subi 4 mois d'isolement en prison et elle a accumulé un certain nombre de punitions. bavardage, injures, refus de monter à l'atelier, indiscipline, refus de prendre place, de prendre sa place à l'atelier ou dans le dortoir. Mais ces punitions n'ont pas suffi pour répondre aux défis de son indiscipline. Et 8 rapports individuels se sont accumulés en l'espace d'une semaine entre la fin mai et début juin 1922 avec des désordres, beaucoup de bruit, beaucoup d'injures. Bien sûr, c'est une détenue que l'administration pénitentiaire commence à saisir comme aliénée. Des désordres corporels inquiétants comme l'automutilation à plusieurs reprises, des visions de Jeanne d'Arc par exemple, et une résistance très forte à l'égard des surveillantes. On y apprend dans son dossier qu'elle porte la camisole dans sa cellule d'isolement et qu'elle réussit en fait à enlever cette camisole. Et c'est ce qui, après une semaine d'accumulation de rapports, le préfet est prévenu et il prend un arrêté de placement la semaine qui suit. Et le directeur, pour prévenir le préfet, explique qu'elle se livre à des accès de fureur et qu'aujourd'hui, le docteur de la prison estime qu'elle est complètement folle et qu'il demande à un spécialiste de venir constater cette aliénation. Alors, le cas de Jenny me semble intéressant. J'ai pas beaucoup de cas, en fait, parce que je vous ai dit que ces circulations étaient tarées, donc c'est très compliqué de les comparer, par exemple. Mais ce cas me semble intéressant parce qu'il montre le désordre provoqué par son comportement et surtout le défi qu'elle présente à l'institution, défi qui va commander son extraction vers l'asile. Mais si je parle de génie maintenant, c'est que son cas est également très intéressant pour une autre raison, c'est que c'est une femme. Et en fait, son cas est assez symptomatique de ces circulations interinstitutionnelles vers l'hôpital et l'asile qui sont très très fortement genrées. J'essaie de tenir le suspense le plus longtemps, mais voilà, j'y arrive. Et je pense que c'est cette variable qui est la plus intéressante pour ces circulations interinstitutionnelles pendant la détention. Pour le dire très rapidement, c'est un tableau qui représente les cas d'aliénation constatés en prison et s'ils ont été suivis ou non d'un transfèrement. Donc vous voyez, alors que chez les hommes, alors j'ai comparé deux périodes, il y a une tendance à de moins en moins transférer vers l'asile. Donc la prison garde ses fous autant que possible, hommes. Par contre, chez les femmes, le niveau de transfèrement est bien sûr beaucoup plus élevé et en plus, il est en croissance entre ces deux périodes. Et c'est 100%, c'est des gens fous. Oui, c'est des gens constatés. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui est venu à la prison. C'est-à-dire qu'on les compte aliénés en prison. Mais il y a un spécialiste qui vient. Alors non, c'est le médecin de la prison qui le constate. Parce que le spécialiste, c'est que pour... Qu'on a pris la décision de transférer. Ouais. Mais par contre, on constate l'aliénation. Hein. Mais ça ne veut pas dire que une aliénation constatée est suivie nécessairement d'un transfèrement. Et en tout cas, on a beaucoup plus de chances d'être transférée quand on est une femme. Et on retombe peut-être sur une histoire plus générale, bien sûr, de l'enfermement féminin. Mais en tout cas, c'est également le cas pour les transfèrements à l'hôpital. Alors là, je suis partie de données sur les infirmeries de prison. Et j'ai comparé les types de sorties de l'infirmerie. Comment on sort d'une infirmerie en prison ? Alors, il y a bien sûr quelque chose de très cynique, puisque beaucoup meurent, hein, ça va être un type de sortie. Et si on regarde les transferts à l'hôpital, chez les hommes, c'est en pour mille ici, pas en pourcent. Chez les hommes, on a que 5 détenus pour 1000, 5 ou 7 selon ces deux périodes pour 1000 qui sont transférés à l'hôpital. Quand on regarde les taux de décès, ça ne veut pas dire que les maladies sont moins graves chez les hommes, hein, puisqu'on a des taux de décès de 67 pour 1000 et 44 pour 1000. Par contre, chez les femmes, c'est intéressant, c'est pas tant pour la première période que pour la deuxième, où on a 25 femmes pour 1000 détenues à l'infirmerie qui sont transférées à l'hôpital. Donc, conséquence de ce tarissement de ces circulations interinstitutionnelles, c'est qu'on meurt en prison beaucoup plus qu'on n'est transféré à l'hôpital. Même si les chances d'être transféré sont plus grandes chez les femmes. Je peux poser une question. En fait, depuis tout à l'heure, tu parles de tarissement, mais parce qu'il y a eu un moment où il y en a eu beaucoup plus. Alors, c'est que moi, je me situe justement dans cette deuxième moitié du 19e et première moitié du 20e. Et en fait, le premier 19e siècle est marqué. Alors, j'ai pas les statistiques parce que la statistique pénitentiaire elle commence en 1854, mais par contre, l'hôpital est décrit comme un lieu où il y a beaucoup de malades qui passent, des fous qui sont. J'ai pas de chiffres, c'est très compliqué à renseigner pour le coup, mais il y a en tout cas un très grand nombre d'instructions qui visent à arrêter ce brassage de malades, de fous et de prisonniers en prison. Donc c'est un tarissement à partir. Ouais, peut-être que c'est un mot que je devrais remplacer par en tout cas un assèchement. Non, ça reviendra. En tout cas, très peu de circulation pour ce que j'observe. Voilà. Voilà pour la question des circulations interinstitutionnelles dans le temps de la détention. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est le cas d'un détenu à Fontevraud, le seul de mon corpus qui ait fait l'objet d'un placement à l'asile. C'est le cas de Joseph. Son placement à l'asile est ordonné le jour de sa libération de prison. C'est-à-dire qu'en fait, on a attendu la fin de sa peine pour le placer à l'asile, et le directeur dit dans une note qu'on ne peut pas le mettre en liberté dans cet état. Mais ça veut dire qu'en fait, la Fontevraud a été le garde-fou de ce détenu, et de sans doute un grand nombre de détenus hommes, en tout cas, le garde-fou, le temps de la détention, des détenus vont se passer aliénés. Mais du coup, le fait qu'il soit transféré le jour de sa libération, c'est-à-dire que le poids financier, il revient à l'asile ou... Non, il revient au département, sauf s'il a une famille qui pourra s'en charger, mais c'est plus l'administration pénitentiaire. Non. Alors, c'est sans doute une grande question financière d'éviter le séjour, alors qui peut s'avérer long, d'un détenu à l'asile. Alors, le cas de Joseph est-il une exception ? Attendre le moment de la libération pour une circulation interinstitutionnelle ? Je vais donc aborder mon dernier point. Comment circule-t-on depuis la prison vers d'autres institutions quand on sort de prison ? Est-ce que, cette obligation légale de purger sa peine étant levée, puisque la peine est terminée, est-ce qu'on circule plus facilement à la sortie de prison vers d'autres institutions ? Alors, je vais partir de ces données-là. J'ai regardé où allaient les détenus de Fontevraud pour lesquels j'ai le plus d'informations, enfin, pour lesquels j'ai saisi toutes les informations actuellement, vers où ils vont à leur sortie de prison. Alors, j'ai distingué ici quatre catégories. La vie libre, retour à la vie libre, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement où ils vont, mais en tout cas, il n'est pas dit. Ils retournent soit dans la famille, soit dans une ville, il n'est pas dit qu'ils arrivent dans une institution, soit une destination pénale, c'est-à-dire qu'ils vont poursuivre, leur peine n'étant pas terminée, ils vont poursuivre leur peine ailleurs, donc au bagne, dans une autre prison ou à la colonie pénitentiaire. Et une autre catégorie, ici la plus importante pour moi, les autres institutions, asile, armée, hôpital, patronage. Alors j'ai également indiqué ceux qui étaient décédés et ceux qui sont expulsés du territoire, mais qui pourraient en fait être comparés à ceux qui rejoignent la vie libre. Alors, concernant les détenus qui vont vers les autres institutions, pour le coup, Joseph est clairement l'exception, c'est le seul qui... c'est le 1 de asile. Et les circulations vers d'autres institutions les plus importantes... ce sont celles qui se dirigent vers l'armée. Donc en fait, c'est un peu le cercle de ma présentation. À l'entrée, c'était l'armée, à la sortie, c'est l'armée. En tout, c'est 25% des détenus qui sortent de Fontevraud qui rejoignent une de ces quatre institutions. Mais ces 25%, en fait, cachent des très très grandes disparités, puisque c'est essentiellement l'armée qui gonfle ce chiffre, tandis que les sociétés de patronage qui sont... théoriquement fait pour accueillir des libérés, ne représente ici en accueil que 5 des 122 détenus qui rejoignent une institution à leur sortie. Alors, c'est pour ça que je vais parler de deux choses. D'abord, de cet échec de la circulation vers la société de patronage, qui est une institution d'assistance, et j'insisterai dans mon dernier point sur cette circulation facilitée vers l'armée. Alors, concernant le patronage, c'est une question qui a été pensée depuis le 19e siècle. Martin Kalusinski a écrit un article qui rappelle un peu les grands moments où on a tenté de penser cette assistance aux détenus libérés. Et cette question prend son essor en fait sous la Troisième République, au tournant des années 1890, avec une volonté politique de développer des sociétés qui vont être toujours laissées à l'initiative privée, mais il y a une politique qui veut favoriser cette initiative privée. En fait, on va voir que ça ne marche pas. Hein, mais, c'est à ce moment-là que vont se multiplier les sociétés de patronage. Ce sont des sociétés, pour la plupart, alors une partie sont religieuses, les autres pas, mais elles ont pour mission d'accueillir des détenus libérés ou des libérés conditionnels. En fait, elles vont être les plus actives pour la question de l'enfance délinquante. Ce sont ces sociétés de sauvetage de l'enfance coupable. Alors, pour autant, cette effervescence autour des sociétés de patronage, il y a des congrès internationaux de sociétés de patronage, c'est vraiment une question qui mobilise les débats. Dans les faits, très peu de détenus libérés vont être accueillis dans ce genre de société. Alors, comment se passe l'accueil dans une société de patronage? En fait, c'est le détenu qui doit formuler une demande le temps pendant sa détention pour être accueilli dans une société de patronage. Alors moi, j'ai pu regarder notamment les cas où un détenu demande de l'aide à une société de patronage pour obtenir une libération conditionnelle, puisque pour obtenir une libération conditionnelle, il faut un certificat d'hébergement et ou de travail, et la société de patronage peut en fournir un. Donc un certain nombre de détenus écrivent à des sociétés de patronage avec cet espoir que ce soutien-là leur permettra d'obtenir une libération conditionnelle. Et en fait, quand ils s'adressent aux sociétés de patronage, la société de patronage écrit au directeur de prison pour avoir des informations sur ce détenu et sélectionne en fait les bons détenus à patronner. Et cette sélection va en fait entraîner un certain nombre d'évictions de détenus de ce dispositif d'assistance. En fait, on va sélectionner les bons détenus, c'est-à-dire les plus calmes et ceux qui n'ont pas des condamnations judiciaires trop importantes ou en trop grand nombre. Donc, en fait, c'est un moment où se redouble la sélection et l'exclusion, si je puis dire, des prisonniers à leur sortie. Alors, c'est bien sûr une question qui peut apparaître sous la forme... c'est une des rares questions de circulation interinstitutionnelle où j'ai vu la voix des détenus jaillir. Parce que vous voyez que dans tous ces dispositifs que j'ai mentionnés, très peu, en fait, laissent, enfin même aucun, jusqu'à présent, laisser la place à un choix ou à une possibilité d'action du détenu, puisque ça passait par la constatation du médecin, ou en amont par l'armée qui redirigeait vers une prison. Alors là, la question de la société de patronage est intéressante parce que pour le coup, j'ai quelques cas de détenus qui veulent aller dans ces institutions, qui se voient notamment refusés par ces institutions. Et je vous parlerai d'un de ces détenus, Alix B., qui fait une demande de soutien dans le cadre de sa libération conditionnelle à la plus grande société de patronage de Paris, qui s'appelle la Société de patronage des libérés, qui se trouve rue de l'Université à Paris. Le directeur dit à la société de patronage « très très mauvais détenu, très peu recommandable », c'est la formulation. Et Alix B. va écrire à plusieurs reprises, à la fois au juge et à son avocat, pour contester, pour aussi essayer de se faire soutenir dans cette libération conditionnelle et dans l'envoi dans une société de patronage. Et il dit dans une lettre au juge que cette société de patronage a refusé de l'aider. Il reconnaît qu'il a 23 condamnations à son casier judiciaire, mais il les qualifie de 23 pécadilles, qui ne l'empêchent aucunement d'être un bon citoyen. Et de lancer dans une formule lapidaire, voilà comment on juge les gens aujourd'hui pour se débarrasser d'eux. Dans une lettre du 7 octobre 1916, il écrit à son avocat pour lui demander de le convaincre de l'aider. Et c'est quelque chose qui ne va pas fonctionner. Il ne va pas d'ailleurs obtenir de libération conditionnelle, ce qui était assez prévisible. Et finalement, on observe que ce dispositif vers la société de patronage se fait au compte-gouttes et rejoue une forme de sélection. Donc la vraie logique interinstitutionnelle à la sortie de l'armée, de la prison, c'est plutôt une incorporation à l'armée. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, ça va concerner la classe des jeunes qui sont soumis en fait aux obligations militaires. Puisque, en effet, c'est la logique des lois militaires de 1889 et de 1905 qui s'applique à celui qui sort de prison. Alors, ce sont des lois qui ont choisi hein, l'universalisation et la démocratisation de la conscription, mais qui doivent aussi répondre à un problème. Que faire de ces délinquants qui sont indignes en fait voilà, d'être sous les drapeaux? Et c'est ce que Dominique Khalifa a bien montré dans son Djellibi, c'est qu'il y a des dispositifs d'incorporation à travers les bataillons d'Afrique et les sections d'exclus qui sont là pour accueillir, alors on verra que c'est un prolongement du punitif, hein, mais dans l'armée cette fois-ci, pour accueillir des jeunes soit condamnés en correctionnel dans les bataillons d'Afrique, soit condamnés par les cours d'assises dans les sections d'exclus. L'incorporation, c'est donc ici une obligation légale qui s'applique aux détenus de prison et qui, pour le coup, alimente beaucoup les dossiers de détenus. La circulation d'informations est très, très forte et très routinière entre l'armée et la prison. Et cette circulation d'informations se fait avec le bureau de recrutement qui va incorporer le jeune à sa libération de prison. Ça permet ici de penser une emprise institutionnelle très forte autour de cette classe d'âge qui doit faire son service, une emprise institutionnelle qui joue hein, sur l'alliance entre la prison et l'armée, et qui va, donc peut-être un ou deux chiffres, c'est 10 à 15% des prisonniers des maisons centrales qui sont dirigés vers un bataillon d'Afrique ou une section d'exclus à leur libération. Et c'est bien sûr, on a... C'est sur cela, c'est sur les enquêteurs. Alors, ça c'est sur les statistiques pénitentiaires que j'ai compilées. Et sur... alors, ceux-là, ce sont aussi des gens qui rejoignent leur bataillon d'Afrique ou leur section d'exclus. Mais, en fait, il va y avoir l'effet de la guerre, et je terminerai là-dessus, qui va intensifier et qui va généraliser l'incorporation. C'est pas simplement des gens qui doivent faire leur service, c'est aussi des gens qu'on mobilise. Pendant la guerre, les 67 ici, c'est ça mélange les deux en fait. En fait, ils sont mobilisés en prison, ils reçoivent l'ordre de mobilisation en prison et dès qu'ils sont libérés, ils rejoignent l'armée dans ce contexte de guerre. Donc le taux d'incorporation à la sortie explose entre 1914 et 1918. Il atteint, alors à Fontevraud, c'est presque 90% des libérés qui vont rejoindre l'armée en 1915. Puisqu'en fait, on va essayer de... C'est une politique de récupération aussi qui se joue aux portes de l'armée. Et signe aussi qu'on va intensifier cette circulation, on insère le dispositif militaire de recrutement, à savoir le conseil de révision, jusque dans la prison. À Fontevraud, il se tient pour faire constater que le libéré peut rejoindre l'armée à sa sortie. Donc ce temps de la guerre va intensifier et va aussi... mettre la politique de libération conditionnelle et de grâce au service de l'armée, puisqu'on va, on observe un mouvement de réduction du temps de la peine. On va accorder beaucoup plus facilement libération conditionnelle, grâce et suspension de peine pendant ces 4 années, pour permettre, faciliter l'incorporation des soldats. Alors on peut se demander quelle place les détenus ont pu avoir dans ce dispositif où on voit que la mobilisation se joue jusqu'en prison. Est-ce que certains ont profité de ce moment, alors soit pour rester en prison et échapper à la guerre, soit au contraire échapper à la prison et aller à la guerre. Et c'est ce que j'avais déjà un petit peu évoqué en Belgique, mais il y a dans ces dossiers de prisonniers, notamment dans ceux qui rejoignent l'armée, une dizaine de personnes qui écrivent pour rejoindre l'armée, c'est-à-dire qui prennent la plume pour demander des suspensions de peine, des grâces ou des libérations conditionnelles, avec l'idée qu'il va falloir faire la guerre. On se retrouve ici dans un dispositif de supplique assez traditionnel, hein, donc c'est un matériau à manier avec énormément de précautions, mais certains ont intégré cette logique militaire pour sortir de prison avant. Et c'est le cas de 9 dossiers sur la centaine qui concernent ce temps de la guerre. Alors ça ne veut pas dire que tous les détenus ont essayé de sortir de prison plus rapidement. C'est très compliqué de voir ceux qui ont essayé de freiner. C'est vraiment des hypothèses et des traces fines, très minimes qu'on peut suivre, mais le cas d'Isidore est assez intéressant, où il écrit à sa femme, c'est une lettre qui est censurée bien sûr, où il exprime l'espoir que la guerre sera terminée au moment de sa libération et que la question de toute manière ne va pas se poser. Finalement, il va sortir, il va être incorporé, il va faire la guerre dans les bataillons d'Afrique. Donc, je terminerai là-dessus. Cet épisode de la guerre rend manifeste, bien sûr, ces rapports entre prison et armée que j'avais pu décrire déjà en première partie, où la prison est le lieu de mobilisation et soumis aux impératifs militaires. Alors, je conclue. Enfin, je suis un peu dépassée par ce sujet, mais je suis contente d'en parler avec vous. Alors, au terme de cette étude, et après avoir comparé et rapproché des ensembles de circulation que vraiment, j'insiste, je ne veux pas mettre sur le même plan, mais qui me semble intéressant de rapprocher, qu'est-ce qui surgit de cette déambulation à l'entrée, pendant le temps de détention et à la sortie? Si je reviens au terme carrefour, je dois être honnête et dire que ça ne me semble pas du tout le plus pertinent. Parce que je vous ai montré aussi qu'il y avait plein de blocages et plein de circulations qui ne se font pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces circulations font l'objet d'attention, de réglementation, de soucis, de rappel à l'ordre, mais qui ne concernent qu'une minorité, voire une très très faible partie des détenus. Alors s'il ne s'agit pas de carrefour, je dirais qu'il y a des passerelles, voilà. Pour trouver une autre métaphore, je ne sais pas si on en a vraiment besoin, mais en tout cas il y a des passerelles plus ou moins étroites et qui peuvent, pour le coup, s'élargir largement, par exemple dans le contexte de la guerre. Je serai par contre toujours attachée à cette idée d'archipel institutionnel, avec cette idée que c'est pas un archipel où tout communique, c'est pas un réseau où le prisonnier passe d'une institution à l'autre. Je crois que ce serait vraiment un anachronisme, enfin, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a envie de penser la prison comme ça, avec tous les dispositifs qui existent parapénaux pour le suivi des détenus. Ici, je pense que ce sera un anachronisme, et ce qui me semble intéressant pour cet archipel, c'est de voir tous les endroits où la circulation est empêchée ou vue comme exceptionnelle. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est aussi que ce qui définit ces circulations, c'est des raisons légales, des lois par exemple, la loi de 1838 qui doit normalement s'appliquer, la loi de recrutement militaire, donc des lois extra-pénales, pénitentiaires et pénales, mais aussi des raisons très pratiques, évacuer ceux que la prison ne peut plus prendre en charge quand ils sont malades par exemple. Alors, je ne reviens pas sur la logique très genrée de ces circulations, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Je terminerai juste en disant que ce qui me semble intéressant et pourquoi j'ai voulu tout mettre ensemble, c'est pour penser peut-être des rapports de pouvoir entre la prison et ses autres institutions. Pour le dire très très grossièrement, l'administration pénitentiaire a la main sur ce qui relève des circulations vers les institutions de soins et peut bloquer à cette époque, tandis qu'elle est dans une situation de soumission ou de subordination envers l'armée, qui impose un certain nombre d'obligations militaires pour les détenus et pendant le temps de la guerre de mobilisation en fait de toutes les prisons et également économique, ça je vous en ai pas du tout parlé, mais en fait on met toute la production carcérale au service de l'armée et de ce point de vue là l'administration pénitentiaire subit et c'est quelque chose qui se voit jusque dans les circulaires où ils essaient de se plaindre, mais c'est la loi, enfin ce sont les circulaires du ministère de la guerre qui s'impose. Est-ce qu'on ne pourrait pas lire dans ces rapports de pouvoir également des rapports entre les différentes fonctions? Et ça, c'est la dernière idée que je soumettrai. Est-ce que comparer ces dispositifs et ces circulations ne permet pas de voir que, même s'ils sont différents, il y aurait peut-être une logique qui serait la même? Une logique de défense, de sauvegarde et de prolongement de la fonction punitive et ou disciplinaire, puisqu'on voit que tout ce qui va vers l'hôpital ou vers l'asile, c'est-à-dire vers les fonctions qui ne sont pas a priori punitives, ne sont pas pensées comme punitives, sont restreintes ou doivent relever de l'exceptionnel, et tout ce qui relève de l'incorporation des détenus dans des bataillons, dans des sections qui prolongent le punitif est facilité et en tout cas effectif. Donc est-ce qu'on n'a pas ici aussi quelque chose qui relève d'une alliance aussi entre institutions, parce que la fonction, les idéaux aussi d'amendement, de régénération sont partagés en fait par la prison et l'armée, notamment dans ces bataillons d'Afrique ou ces sections d'exclus, qui sont pensés comme des lieux punitifs en dehors des murs de la prison.